Michée, un prophète mineur, revient sur la même prophétie que Esaïe, un grand prophète, avait donné. Oh, que ceci est bon. Il a dit ceci. Michée 4, verset 1 à 3. Donc, Michée 4, verset 1 à 4. Voilà. Il arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire au temps de la fin. Voilà, c'est pour laquelle nous vivons ici. Les événements auront lieu ici, au temps de la fin. Il arrivera dans la suite des temps, prophétie, que la montagne de la maison de l'Éternel, la nouvelle Jérusalem d'en haut, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Amen. Et que les peuples y afflueront. Amen. Et que j'allais être dans le corps de souffle, gomba na ndako na yawe, et que pour ça, et pour ça, pour les tangomba yosso, et pour tomber le corps en teka, et ma bota ma kokendawana. Des nations s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin que nous enseignions ses voies, et que nous marchions dans ces sentiers. Ma bota mingi va kokenda mpe bakoloba ete, yakali tokutana ngomba na yawe, epai na ndako na nzambe na Yakobo, ete alakisa biso nzela na ye, mpe ete totambola na bipai bikokenda ye. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nzambe mobeko ekobima na Sion mpe liloba na yawe wuta na Yerusalem. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. Vous entendez parler des nations puissantes? La Russie est-elle une nation puissante? La France aussi? Le Royaume-Uni? Les États-Unis? L'Allemagne? Donc, tous ceux-là viendront là-bas contre l'Israël. Dieu deviendra leur juge. Et leurs cimetières seront dressés là-bas, dans la vallée du jugement. Il sera l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des voyous. Et de leur lance, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée sur une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Verset 8, et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Dieu fera de nouveau d'Israël la tête. Il lui donnera la supériorité promise. Dieu l'a dit et ça se fera. Alors le Dieu d'Israël sera le juge de toutes les nations. C'est lui qui va trancher arbitraire. Tous les différents qu'il y aura. Que Dieu soit béni pour ça. Traduisez-la. Êtes-vous là? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il est fidèle à sa promesse. Cette supériorité, c'est ce que Dieu te donne à toi, Église, déjà maintenant. En attendant qu'elle revienne dans le domaine militaire national à Israël, L'Israël est une opportunité. Il t'a déjà donné la supérité. Nous l'avons dit et nous le répétons. Il a le pouvoir suprême. Le nom de Jésus. Israël en manque maintenant. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le nom de Jésus. Ils ont crucifié leur Messie. Mais quand Moïse et Élie viendront les répondre, ils feront reconnaître leurs erreurs. Leurs yeux s'ouvriront. Et ils pleureront sur le Messie crucifié. Et après ça, ils récupéreront leur supérieur. Mais en attendant qu'Israël arrive là, toi, jouis déjà. Exerce le pouvoir. Exerce la supériorité. C'est ainsi que j'ai dit aux gens, vous n'avez pas besoin d'aller entrer dans les cabales juives. Entrez dans des clubs de juifs qui organisent l'occultisme. Vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Le nom de Jésus-Christ est tout suffisant. Je veux que toi tu croyes ça comme ça. Les cabales juives ont aussi des anges qui communiquent des choses aux gens. Des anges qui apparaissent et qui parlent de l'ordre de Melchisedec. On initie des gens l'occultisme. Ils se mettent à traiter avec des êtres soi-disant angéliques. Et souvent ce sont des démons. Frère, l'évangile, c'est la lumière pour notre temps. Nous ne pouvons pas les mêler aux cabales juives. Prenez le nom de Jésus-Christ. Il est complet et suffisant. Tout ce qu'il veut, il le fera. Comme il est écrit, notre Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fera. Il arrive des fois qu'on vous demande des choses que Dieu ne veut pas faire. Vous allez rassurer quelqu'un qu'il y aura ceci qui sera fait, mais parce que Dieu ne veut pas que ce soit fait. Même si ça sera voulu, ça ne se fera pas encore. Ça se fera attendre. Célébrer comme l'évangile t'enseigne. Notre Dieu est souverain. Il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Quand nous prions, nous disons, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ta souveraineté vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite là aussi. Pas ma volonté, mais ta volonté. Soumettons-nous. Ne soyez pas tentés d'aller entrer dans des maisons noires pour aller invoquer les démons et dire que c'est Melchisedec. Il y a des gens qui font des choses comme ça. Et puis ils disent que c'est Melchisedec. Savez-vous que dans les milieux des messages, il y a des gens pareils qui sont élevés? Des prédicateurs de l'ordre de Melchisedec. On va voir n'importe quoi. Hein? Des gens se lèvent et puis ils se donnent des titres et tout. C'est comme ces autres là qui vous disent, Branham il est la semence du serpent. Il est la bête. Lui-même il est le Messie. Il est la semence du serpent. Il est la bête. William Branham. Il est le Mais comment vous pouvez aller à gober de confusion pareille? Comment il fait lui-même Branham être le Christ et la Christ en même temps? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce cas? Il y a des gens qui sont devenus vraiment fous. Comme il est écrit dans la Bible, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils parlent trop. Et il ne faut qu'étaler de folie et de folie. C'est pas bon. Revenons à la parole. Dans les débuts et la fin de la dispensation des gens. Un serment prêché par William Branham. Le 9 1955. Paragraphe 100. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11 de Daniel. Un conseil que vous est donné. Quand vous rentrez à la maison aujourd'hui, vous allez dire on n'a pas cultivé. Prenez votre temps, lisez le chapitre 11 de Daniel. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, baissant comme un tourbillon, exerçait une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Êtes-vous là? Ce n'est pas la descente de la Russie en Ukraine qui est la bataille d'Armageddon. Mais rentrez, lisez le chapitre 11 de Daniel. Et arrivez à voir en lisant ce chapitre-là, ce que vous dites. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, pressant comme un tourbillon, exercer une pression sur eux, et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Remarquez. Oh, j'aime ceci. Dans Daniel chapitre 11. Je vais vous lire juste un extrait. Daniel 11. Daniel 11. Prenons le verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion, c'est-à-dire le roi du nord, septentrion veut dire nord. Et le roi du septentrion fondera sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Na tango la suka, mokonzi na mokili na ngele, ako salela ye etumba. Nde mokonzi na mokili na likolo, ako kwela ye lokola mopepe makasi, na makalo mpe, bato na mbalata mpe, na masuwa mingi, pe ako kota mokili mpe, ako palangana mpe, ako leka na kati. On peut descendre jusqu'au verset 45? Yoki sa akino, tukuma na mikano. Avez-vous vu le roi du Nord? Bon, Le bonhomme qui n'est rien d'autre que la Russie. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Lui, la Russie, le roi du Nord. Il entrera dans le plus beau des pays. Le plus beau des pays dont je vous ai parlé. Le pays d'Israël. Donc lui, le roi du Nord, entrera dans le plus beau de pays. On ne vous dit pas qu'il ne sera pas entré. Il va réussir à entrer. Ce sont les indications prophétiques précises. Il va entrer, mais Dieu, quand il va venir avec nous le ressusciter, il va les chasser là. Il entrera dans le plus beau de pays. Et plusieurs s'y combattront. Il y aura des morts. En grand nombre. C'est prévu. Mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Voyez un front tripartite. Ils viendront ensemble, mais il y aura des coalisés qui vont s'échapper du contrôle de la Russie. Mais au début de la bataille d'Armageddon, ils seront en front commun. Comme c'est prévu ici. Après qu'ils soient en train d'Israël, la confusion débutera dans son camp. Il y aura des coalisés qui vont se désolidariser. Mes chers amis, Dieu a tout prévu clairement. Alors, il étendra sa main sur divers pays. Quand il verra que les coalisés commenceront à l'équiter, alors les rois diront venir pour prendre le contrôle d'Israël. Il va étendre sa main sur divers pays. Donc il ne va pas se limiter à Israël. Il voudra maintenant aller sur divers pays à chaque fois. Est-ce que vous suivez? C'est là que la guerre va se généraliser. Elle prend le départ au port de Jérusalem. Le roi du Nord entrera dans le primo des pays. Mais Dieu va actionner la confusion. Entre ceux qui étaient venus contre lui, et ceux qui étaient venus contre Israël, par le chemin, et Dieu a dit dans sa promesse qu'ils ne s'enfuiront pas. Ah, Dieu d'Israël est très fidèle à chaque fois. Ils viendront comme une multitude innombrable. Il réussira à entrer dans le problème. Mais Dieu actionnera surnaturellement la désintégration du pont. Alors la Russie dans sa colère commençant à voir les soustractions des nations, va lancer des attaques militaires. Ah, vous avez trahi, attaquez là-bas. La guerre va se répandre dans toutes les nations. La guerre de ce votre pays ne sera pas épargnée. Bon, mais ça n'a évité beaucoup de vivre dans l'eau. Oh là, tu peux rater l'enlèvement. Que Dieu nous aide ici. Hein. Oh, écoutez, il dit, il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Et il se rendra maître des trésors d'or et d'argent. Le problème de richesse. C'est ça. Donc il était venu pour ça. Il faut mettre contrôlé pendant être. Il faut militairement. Et de toutes les choses précieuses d'Égypte, les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Voyez ce que Nicolas Sarkozy a fait faire aux Libyens. Sous la main basse de Hillary Clinton. On les a trompés. Ils se sont révoltés contre Kadhafi. Mais maintenant ils ont un pays qui est devenu des ruines. Alors la Russie va exploiter tous ses antécédents. Pour gagner les Libyens à sa cause. Vous êtes les gens qui avaient vécu les incidents contre la Libye. Vous allez l'assassinat de leur guide éclairé. Vous êtes contemporain. Dieu précise que les Libyens seront à la suite du roi du Nord. Même si après que l'Occident ait fait ce qu'ils ont fait là par la France, avec la même base pour avoir le contrôle sur la Libye et son pétrole. Moi je regarde dans la prophétie. L'Occident ne fera pas long feu là-bas. Ils seront remplacés en leadership par la Russie. Qui est capable de dire amen à la vérité? Amen. Voilà pourquoi nous regardons au-delà des événements. Mais écoutez, là, ce livre, c'est ce qui nous intéresse plus. On ne voit pas commenter l'actualité comme les profanes. Ah, vraiment, l'Occident est terrible. Il a fait ceci, il a fait ceci. La balance sera renversée. Et puis, mon un peu de temps, attendez. La Russie aura la même issue. Et des nouvelles de l'Orient Et du septentrion viendront les prières. Voilà comment des travaux. Ils viendront là pour se rendre maître des trésors de ceci dans la main de l'Égypte. Ils tapent les Égyptiens contre. Pour avoir le meilleur contrôle là-bas. Même si le printemps arabe a voulu mettre des régimes pro-occidentaux. En Égypte. Ce n'est qu'un règne de courte durée. Tous les États arabes là seront derrière la Russie. Les temps sont pleins de transitions. Les alliances se font, elles vont se défaire. Ne soyez pas superficiel. Allez en profondeur. Êtes-vous là? Maintenant, la Russie commence à ridiculiser encore. Les nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront les prier. Ils vont juste apprendre les choses, ils seront agités, ils vont perdre leur confiance en eux-mêmes. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Dans les multitudes, il y aura le Vatican qui sera la proie. Rome sera pulvérisée. C'est la Russie qui le fera. Et les multitudes des nations seront attaquées aussi par la Russie. Mais nous avons été avec vous hier. Ils vont vous bombarder. Dans la colère de la Russie, elle fera ça. Êtes-vous là? Il s'anira dans une grande colère pour exterminer des multitudes. Et alors, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. N'avons-nous pas entendu dimanche passé que nous devons considérer la Russie comme étant un instrument entre les mains de Dieu pour tirer vengeance et châtier les nations? Voilà clairement ce que fera la Russie. Alors, je ne peux pas vous demander vous d'être fanatique de la Russie. Azambeli, Yassongi Mibale, à quoi qu'on nuit, occidentaux, oui, mais c'est la même Russie qui va exterminer des multitudes. Vos descendants, c'est des multitudes. Vos membres de famille. Alors ne soyez pas fanatiques de la Russie. Sachez que Dieu l'utilise pour l'accomplissement des prophéties bibliques au temps de la fin. Mais la Russie elle-même arrivera à sa fin. Sans que personne ne lui vienne en aide. Tous ceux qui croient là, ils vont l'abandonner. Mais notre Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Il n'abandonnera jamais ses fidèles. Voilà pourquoi il a dit ça. Comme il l'a montré là. Donc il fera ce qu'il a prévu. Dans Joël le chapitre 3, nous l'avons lu au verset 1 et 2. Joël, le verset 1 et 2. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, et Dieu l'a fait, les captifs de Juda et de Jérusalem sont déjà amenés dans leur territoire il y a des dizaines. Il y a quelques décennies, Israël est retourné dans sa patrie. Vous l'avez vécu. Qui va nier? Cette écriture est déjà accomplie. Joël 3, verset 1. C'est accompli au 20e siècle. Depuis le 20e siècle, c'est déjà accompli. Les captifs de Juda et d'Israël sont déjà ramenés. Maintenant le verset 2. Ce qui vient après ça. Je rassemblerai toutes les nations. Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles sont dispersées parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Zambitala, namikolo yango te, na tango yango, nako kalambisa lisusu, kukangama na Yuda pe Yerusalemi. Nako yanga ni samabota yonso pe, nako yei sabango na lukaku na yosafaka. Nako ingi na nabango ilongo kati na kusambi sawana. Pona bato, nangai pe libula nangai falele. Zambi, baparangani si bango kati na mabota pe, bas. Or, en parlant de la vallée de Josaphat, elle ne se trouve pas aux États-Unis d'Amérique, même pas en Ukraine. Vallée de Josaphat. C'est autour de Jérusalem. C'est du côté du soleil levant. À l'est de Jérusalem, où se trouve la vallée de Josaphat, et que l'on appelle actuellement la vallée du Cédron. Et du même côté, se trouve la montagne des Oliviers. Toujours là, à l'est de Jérusalem. Et quand Jésus, notre Seigneur, voulait quitter la terre après sa mission terrestre, il a amené ses disciples sur la montagne des Oliviers. Du côté du soleil levant, à l'est de Jérusalem. Et c'est à partir de cette montagne que ses pieds ont quitté la terre et qu'il est monté au ciel. Et l'ange a dit aux disciples, continuez à regarder le ciel. Pourquoi continuez-vous à regarder vers le ciel? Le Jésus qui a été enlevé du milieu reviendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ange. Mais c'est à partir de la montagne de c'est là. Regardez maintenant dans Zacharie au chapitre 14. Qu'est-ce qui est prévu en accord avec? Il y a d'abord un événement qui nous concerne, nous les gens des nations, que vous connaissez bien, Zacharie 14, parole prophétique, versets 6 et 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ça, ça nous concerne et c'est déjà accompli. Qui dit amen? Notre message sera la lumière du soir. Les deux versets déjà accomplis. Mais qu'est-ce qui vient après cet événement? Après notre message, reprenons le verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il lancera ainsi été et hiver. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Ceci doit s'accomplir après notre message. Et notre message est un message de préparation pour échapper à tout ce qui vient ici, pour être reçu dans l'enlèvement, pour participer à la réflexion d'entre les morts. Mais après notre message, Dieu deviendra le roi de toute la terre. Le roi de toute la terre. Ata o nimiango te kozalande bongo. Eko sale mabe bongo. Gai na lobi amen. Eko sale mabe bongo. Peko bongo nagate. Eko sale mabe bongo. Ata moko boy ko nimango. Eko sale mane bongo. Ah oui. Toye dit sa la vérité to sungana. Il est temps de croire l'évangile. Or, quand vous voyez ce qui est écrit au verset 8, quand ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. et elles couleront moitié vers la mer orientale. Moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ici été et hiver. Ceci est une conséquence d'un jugement. Il va frapper la terre de Jérusalem. Mais ce jugement, sa raison ou sa cause, nous la retrouvons plus haut. C'est que Zacharie 14, versets 3 et 4. Non, prenons Zacharie 14, verset 1 à 4, voilà. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et ce jour de l'Éternel est compté particulièrement après le ministère de détournement Moïse et Élie en Israël. Après notre festin de nos sociétés avec Jésus-Christ, les jours de l'Éternel sera compté sur terre. Hein? Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. C'est l'époque où le roi du Nord entrera dans le plus beau des pays. Ça sera après le ministère de Moïse et d'Élie. Ça sera après le festin de noces là au ciel. Alors il est dit, les jours de l'Éternel arrivent et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est le même Dieu qui annonce de rassembler toutes les nations dans la vallée de Josaphat. Aux portes de Jérusalem. À la limite est là-bas. La vallée de Josaphat. Oh mes amis. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Abraham a dit que les villes du monde les envahiront. Envahiront les justes. Et la Bible l'a prévu aussi. Avant que Branham ne parle, parce qu'il est un prophète biblique, il ne parle pas des paroles en l'air. Il y a un soubassement biblique à ce verset. Je rassemblerai toutes les nations pour que les attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. Ça s'accomplira comme ça, mes amis. Nous avons vu dans Daniel 11, entrer dans les plus beaux des pays. Daniel 11, verset 41. Le roi du Nord entrera. Dieu prévoit ici que la ville de Jérusalem sera prise. La bataille commencera aux portes, mais elle entrera dans la ville. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. Même les femmes juives, oui. Ceci arrivera comme ça. Le riche là, avec les protestants et les catholiques, qu'on fait les uns ensemble, et tous les autres, toutes les villes du monde. Ne vous laissez pas berner par les discours des chefs de l'État actuels là. Ne parlez pas d'un discours très beau là qu'on a apprécié ici. Ne parlez pas les chefs de l'AIPAC aux États-Unis d'Amérique. Au début de son règne là. Au père de la RDC pays à Médicayel. Ne vous dites que dans la bataille d'Armageddon, la RDC sera positionnée aux côtés de la Russie contre les Juifs. Tous ces règnes que nous avons sont des règnes de courte durée. Les régimes politiques seront renversés. Quand ce temps viendra, notre pays sera confisqué. Le Baba fait amen. Attends, on va dire, pasteur, non, on va dire, Ici, c'est la grande prophétie. Les temps sont pleins de prophéties. Les bouleversements vont venir. Alors, nous sommes momentanément aux côtés d'Israël maintenant. Par notre représentation là-bas, au sommet de l'État. Mais c'est pour un temps. Ça sera changé. Avançons. Dieu dit ceci. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Alors, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. La ville sera momentanément vaincue, hein? Dominé par les Russes et leur coalition. Ben, l'Éternel paraîtra. Et il combattra ses nations. Alors l'Éternel qui combattra ici ne sera pas seul. Il sera accompagné des armées qui sont dans le ciel. Mais ressuscité. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem? Du côté de l'Orient. Qui voit la révélation ici? Nous l'avons dit et vous l'élisez. Il l'a lu dans ta Bible, j'étais félix. La vallée de Josaphat est allée vers Jérusalem. Et la montagne des Oliviers pareillement. À l'est de Jérusalem. Vis-à-vis de Jérusalem. Au côté de l'Orient. C'est là où les nations seront rassemblées. Mais alors les pieds de l'Éternel qui paraîtra se poseront sur cette montagne. Et qu'est-ce que cela va produire? La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. À l'Orient et à l'Occident. Ça produira un tremblement de terre. Ça créera une fissure au milieu de la montagne des Oliviers. Et alors les eaux jailliront, comme cela est dit, des eaux jailliront moitié vers l'Orient, moitié vers l'Orient. Voyez-vous l'origine de ces eaux? C'est que quand les pieds saints du Seigneur se poseront sur la montagne, c'est quand on est pas sous qui ne cache. Alors le Seigneur pèse combien alors? Notre super puissance. Il pose ses pieds, dès qu'il pose seulement ses pieds, la montagne se fend par le milieu, il tremble la. L'eau qui peut y a présence à ma colombe, sans plus en colombe. A Niatika, qui n'est pas sûr qu'il n'y a qu'à ce qu'il en faut. Et des eaux jailliront de là. Pour couler moitié vers l'Orient, moitié vers l'Orient. Le tremblement de terre reflète un jugement. Il aura frappé la montagne. Mais tu connaîtras une fissuration. C'est là que nous revenons à la signification du mot vallée de Josaphat. Le mot Josaphat veut dire Yahweh juge. Dieu est le juge. Dans cette vallée-là, comme le prophète Joël avait prévu, on va rassembler toutes les nations là, pour qu'elles attaquent Jérusalem, contre Jérusalem, et là Dieu entrera en jugement contre les nations. Vallée de Josaphat veut dire vallée de jugement. vallée de jugement. Et elle représente aujourd'hui un certain espoir pour les grandes religions du judaïsme. Il y en a parmi eux là qui croient que le jugement dernier aura lieu dans cette vallée-là. Et la vallée est presque départagée entre le musulman, au jour d'aujourd'hui, et les juifs. Les musulmans aiment enterrer leurs morts du côté oriental de la vallée. Dans l'espérance que, quand ces morts affronteront le jugement dernier, Allah, leur Dieu, verra. Leurs morts seront libérés, acquittés. Et les juifs dans la moitié occidentale enterrent aussi leurs morts. Savez-vous quoi? Ça deviendra le cimetière de plusieurs nations. C'est la bataille d'Armageddon plutôt qui aura lieu là-bas. Le jugement dernier n'aura pas lieu là-bas. Comme les judaïsants et les musulmans racontent, le jugement dernier aura lieu dans l'espace. Faisons cette mise au point rapidement. Ce qu'il faut croire comme il est écrit. Et non pas dire ceci, c'est une grande religion. Voilà pourquoi j'ai dit même la Kabbale juive, n'allez pas entrer là-bas. Ce ne sont pas les détenteurs de la vérité. La vérité est révélée aux prophètes. Vous avez le message prophétique, vous avez la vraie vérité. Vous allez la Sangali Sakura, vous allez tous les gens qui pratiquent une religion formaliste. Oh, regardez-moi ça ici. Il est écrit ceci dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre, suivez, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Pembe monene na mofandi na yango mokili na likolo ikimaki elongo na ye mpe izwami te. Et quand vous lisez le verset 12 et 13, il est fait mention du jugement. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et suivez, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le trône blanc qui est mentionné et le jugement qui est déclaré, c'est ça le jugement dernier du trône blanc. Quand il doit être organisé, la Bible dit que le ciel et la terre se retirèrent devant la face de celui qui était assis sur le trône blanc. Il n'y a pas même plus de place pour le ciel ni pour la terre. Or la vallée de Josaphat se trouve sur la terre, à l'orient de Jérusalem. Donc, et la vallée de Josaphat et Jérusalem lui-même et toutes les villes de la terre et la terre elle-même, au jugement dernier, il n'y aura plus de place pour eux. Donc ceux qui croient les musulmans et les judaïsants, cette vallée-là, ce sont des hérésies. Qui peut dire amen? La vérité, c'est que le grand jugement du trône blanc se tiendra dans la ville. Lola, Moussika, Mabele, Moussika. C'est là que se tiendra le jugement. C'est pas dans la vallée de Josaphat. Dans la vallée de Josaphat, C'est la bataille d'Armageddon que Dieu organisera là-bas. Voyez-vous la différence? Ce sera un jugement où Dieu entrera en jugement contre toutes les nations. Que Dieu nous aide à nous retrouver du bon côté. Et par sa grâce, nous y serons. Du bon côté. Dans Joël chapitre 3, revenons là-bas. Après avoir montré la face du début au verset 2, Dieu dit ceci, Joël chapitre 3, verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, vallée des jugements. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles sont dispersées parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Alors, verset 9. À 11. Publiez ces choses parmi les nations. Nous le faisons. Préparez la guerre. Nous le faisons. À notre manière, pendant que les gens des nations préparent aussi la guerre à leur manière. Réveillez les héros. Il nous faut des héros de la foi aujourd'hui. Même dans l'église aussi. J'ai besoin de croyants au pays. Des croyants héroïques. Qui croient au surnaturel. Qui prennent Dieu au mot. Qui croient à la puissance de l'expression. Qui croient que tout est possible. Nous appelons dans cette église. Nous appelons sur la terre entière. Réveillez-vous. Soyez héros de la foi. Amen. Qu'il s'approche, qu'il monte tous les hommes de guerre. Amen. Alors, de vos hoyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Matériel, outil de guerre. Que le faible dise, je suis fort. Amen. On peut déjà le dire? Amen. Même là, yo mutu linga galinga ubamba gaga ubanga banga pamba pamba. Oko kota tulete usama kash. Amen. En Dieu, je suis fort. Amen. Grâce à Jésus-Christ, je suis fort. Amen. Le nom de Jésus-Christ est mon pouvoir suprême. Na yoki yote. Exerce déjà ses pouvoirs. Celui qui a le pouvoir ne murmure pas. Il ne plaît pas. Le pouvoir, on l'exerce. On l'impose. Il faut imposer ça. Engaye. Exerce le pouvoir. Il dit que le faible dit, je suis fort. C'est comme ça que nous réveillons les héros dans l'église. Attends, mon ami, le coup, la pamba. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Ma grâce te suffit. Et ma puissance se manifeste dans les faiblesses. Toi faible, répète encore, je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de l'agneau, mon Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est l'exacte vérité. Que le faible dise, je suis fort. Et Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que tu confesses. Il peut apprendre acte. Parmi Amen. Réveillez les héros. La guerre se prépare. Il dit ceci. hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Et là, ô Éternel, fais descendre tes Yo Yahweh, kuna, tango bango mabota bako yaba, yangani wana. Yo pe Yahweh, ki tisla bilombe na yo. Amen. Il faut que ces héros soient formés maintenant. Que la parole nous forme, nous taille. Pour être enlevé au ciel. Et au moment marqué, mabota makoya, ba yangani ebele, multitude innombrable, on dirait ma tombe pour la bitumba. Ok, on dirait Bampunda, Bazana Bacha, Bazana Nyoso, mais Kunape, oh Yahweh. Bilombe na yo, oh yo eneto la kiwana. Oh yo balonga, yo tangi bango balongi. Bakoti na festere l'autre. Yo Yahweh sikawa kuna, ki tisha bilombe na yo. Voyez-vous que Dieu vous compte dans son économie, hein? Il compte dans son programme. Et le prophète Joël a crié déjà. Comptant sur ses héros. Et là, oh Dieu, catholique, protestant, je vous assure que Bilombe wana bakokita comme la parole est harmonieuse. Bilombe wana bakokita kouta na lola. Je serai l'un d'eux. Je serai l'un d'eux par la grâce. Et Zambé na zangate. Yo pe lo mabongo kolo na zangate. Nazala wana nazala etiquette ya elombe lokola ba Filiste wana kotanga Goliath lokola elombe na bango yo siko kotanga ma elombe dans le camp de Jésus Christ. Jésus est là, il aura ses héros à ses côtés. Il aura ses héros derrière lui. Et là, oh Éternel, et Yahweh, qui tisha bilombe na yo. J'aime ça. Ça s'accomplira. Et Dieu exaucera cette prière. Les bilombe là, bako kita kouta na lola. Sur des chevaux blancs, vêtus de fêlés blancs purs, les œuvres justes des saints. Pas la pornographie, pas les masturbations, l'impunicité, les mensonges, pas ces saints. Mais ils seront vêtus de blanc, les fêlés purs. Blancs, qui sont les œuvres justes des saints. C'est déjà maintenant qu'il faut les revêtir. Non? Et ça va paraître ces jours-là. Toko kitana mapunda pembe, tolaki pembe, pembe. Bato bilili wana bako tala biso, na ba jimel na bango, na ba projecteur. Bouti wapi. Bazongona na eri moko bazoli moi. C'est juste ma salle corps glorifié. Et le peuple se tenir ici. Par moment vous le voyez. Et par moment il disparaît. Et pourtant il est toujours là. Voilà. Le corps glorifié. C'est comme ça que le corps glorifié de Jésus-Christ. Le corps de résurrection. Et nous aurons ce genre de corps là. Tous ces rites là nous verrons. Par moment ils verront les chevaux. Et ils vont charger Satan. Oh! Et l'autre côté, vide na vide. Oh, bataille na jumelle. Mais il y avait des gens là-bas. Bon, allez un peu voir, est-ce qu'ils sont pas morts? Vous ne trouvez aucun cadavre là-bas. Mais ils sont toujours là en train de vous regarder. Mais dans l'invisible. Je vais même venir avec les mains et les yeux. Vous pouvez mettre la bango. Vous savez qu'à boy. Vous ne voyez rien. Il ne peut pas te voir. Quand il va vider, il va voir. L'action ne s'attendait. Il perdait. Il regarde vide partout. Il abattit mon pépé. Il se bat contre de l'air. Pitié. Au moins, Israël, Tango, Bazanga, Zambé, dans des colonies, chapitre 15, on a lu au-delà. Il y a des points de sécurité, ni pour ceux qui y allaient, ni pour ceux qui entraient, ni pour ceux qui sortaient. Pendant longtemps, il y avait ni sacrificateur qui allait, ni loi, ni vrai Dieu. Et à ce moment-là, il y avait des troubles par divers dits. On s'est dressé ville contre ville, nation contre nation. C'est ce qui se passera dans le camp de ceux qui n'auront pas Dieu. Les nombreux comme une masse compacte. On a vu comment Dieu va les désintégrer, les disloquer. Et le roi du Nord sera très fâché. Et il arrivera à sa fin sans que personne vienne en aide. Non, c'est pas. Vous serez confus. Nous avons bon. Tirez les bonnes leçons ici. Je termine ici. Verset 11. Et 12. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Et là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Boyanga na boya, bino mabota yonso na bipayi bizingeli. Boyanga na wana heyawe, yeisa bilombe na yona se, ikaese mabota balamuka, babuta kino lubwaku na Josaphata, wete na kufanda wana pona, voilà ce que Dieu accomplira. Et le zèle de l'Éternel comme Isaïe l'a prévu dans Isaïe chapitre 9, le verset 5 et 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on appellera son nom admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donner de l'accroissement au royaume et une paix sans fin. À son peuple d'Israël. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Donc, il faudra garantir d'abord les droits d'Israël. Après l'avoir fixé en sécurité et en paix, et établi sa supériorité, Dieu deviendra l'arbitre de toutes les nations. Et il instaurera un règne de 1000 ans. Et l'Éternel sera roi de toute la terre. C'est lui qui tranchera les différends de toutes les nations. Les survivants de toutes les nations. Et il y aura paix sur cette terre. Le règne de paix. Le millénium. Bonne préparation. Lève-nous pour la prière maintenant. Oh, il y a une question ici. Concernant Apocalypse 20, verset 11 à 13, on parle de mort. Mais pour les vivants, seront-ils aussi transformés pour tenir devant Dieu? Non, ils ne seront pas transformés, ils seront là. Mais ils seront amenés dans l'espace, voilà. Car la terre sur laquelle ils s'étaient nés n'est plus, voilà. Ils seront amenés dans l'espace. Dieu ne va pas les tuer pour qu'ils deviennent morts, non, avant de les juger. Ceux qui seront vivants pour être jugés affronteront ça, mais Dieu les amènera dans l'espace. Pour être jugés. Ensemble avec tous les morts qui doivent ressusciter. Les morts de tous les temps. Oui, voilà, merci. Voilà. Nous allons chanter maintenant le cantique croix seulement numéro 127. A-t-il rencontré Jésus qui purifie? A-t-il lavé dans le sang de l'agneau? As-tu rencontré Jésus qui purifie et tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu pleinement confiance en sa grâce maintenant et tu lavé dans le sang de l'agneau? Et tu lavé, lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les bras. Oh, tes habits sont tes féroces et blancs, tes neiges et tu laves dans le sang de l'agneau. Et tu laves, laves dans le sang. Oh, Chacun, en accord avec la parole que nous avons entendue, ce monde tend vers sa fin. Il y a des chemins jusqu'à Armageddon. Mais Dieu abrège les voies au temps de la fin. Préparons-nous pour le départ soudain. Et puis, Dieu fera descendre ses héros pour cette bataille d'Armageddon. Soit l'un d'eux. Formé par la parole maître. Taillé par ce message. Équipé par le nom de Jésus. Pour des victoires innombrables. Prions chacun. Le nom de Jésus-Christ, c'est ça le pouvoir. Tu as ça avec toi. Impose ce nom. Exerce ce pouvoir. Prie en ce nom. Agis en ce nom. Parle en ce nom. Et toute la puissance du ciel est derrière toi. Car Dieu t'a parlé et il t'envoie. Tu allais faire ces choses que tu dois faire. Ne crains rien. Toutes les puissances du ciel sont derrière toi. Ça fait de toi un ambassadeur de Christ. Dieu tout-puissant. Nous te remercions maintenant de ce que tu nous formes. Nous entraînes, tu nous exerces, tu nous enseignes, tu nous équipes, tu nous prépares même pour ton programme à venir. Il y a toute une série de choses quand tu nous as appris à ne pas négliger les faibles comme à toi. Chacun commence au bon endroit, à savoir la repentance, le renoncement à soi-même et la mort en soi-même. Et de là, se développer avec la parole de Dieu. Être façonné. Être taillé. À l'image de Jésus-Christ. Que nous soyons ouais du même esprit. Équipés de la même puissance. Bénéficiaire des grands dons de Dieu. Où que nous allions, nous voulons te représenter par l'enlèvement. Non pas être une armée de poltrons, et ramasser des péreux. Mais nous voulons être des vrais héros. Les héros du Dieu vivant. Héros de la foi dans le Dieu vivant. Héros au front et dans la bataille. Dès maintenant et pour toujours. Dès maintenant et chaque fois, Seigneur. Nous voulons que ta victoire soit notre. Nous combattons dans cette victoire pour confirmer que Christ a déjà vaincu. Nous voulons que tu fasses grâce à chacun pour laisser tomber la robe du formalisme, porter la robe de réveil, le vrai baptême du Saint-Esprit qui nous fera croître la maturité pour des grands secrets de Dieu, pour les grandes affaires du royaume de Dieu, que nous soyons jugés dignes de confiance et que Dieu compte sur nous et que nous utilisions chaque fois qu'il et où qu'il voudra. Pas aide mon frère et ma soeur, aide cette église et que nous puissions triompher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions et t'adorons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement.